L'homme d'hier se fascine pour la fleur en pousse. Pourquoi donc? Disais-moi. Ma vieille âme amère s'enflamme comme un feu de brousse. Pourquoi donc? Me disais-moi. Pour des textes de tiers, de références rances d'entiers anciens. Jusqu'au bout.